il est 23h passé de 43 minutes, la nuit du réveillon sur 21 en direct du Fuse à Bruxelles. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ce soir ou cette nuit. N'oubliez pas, si vous prenez la route, ne buvez pas. Cette nuit est une nuit de fête pour tous et pour chacun. Il y a certainement demain quelqu'un qui vous attend quelque part. Alors ne décevez pas cette personne. Ne lui racontez demain que de bons souvenirs de cette nuit du réveillon. Ne la gâchez pas stupidement. Nous sommes là jusqu'à 6h30 demain matin. Si vous avez choisi de passer le cap de l'an 9 sur 21, c'est avec nous, c'est avec la musique du Fuse. Merci de nous avoir choisis. Dans un peu plus d'un quart d'heure, 1995 aura tiré sa révérence. À nous et à vous d'accueillir comme il se doit, 1996 sur 21. C'est la nuit du réveillon sur 21, énormément de monde au Fuse ce soir. Encore quelques minutes, le décompte avant l'arrivée de l'an 9. Alors si vous êtes là, j'imagine, c'est que parce que vous avez choisi de passer le cap de l'an nouveau sur 21, ne changez rien. Vous restez là et on vous retrouve dans quelques minutes l'année prochaine. Thank you. Monte chez vous comme chez nous, c'est que le décompte final de 1995 vient de commencer. Encore quelques secondes à vivre dans une année qui s'apprête à mourir. Il n'est pas encore tout à fait minuit. S'il vous restait l'une ou l'autre chose à faire en 1995, c'est l'instant ou jamais. Il est même presque trop tard. Voilà, il est minuit. 1995, c'est terminé. Bienvenue en 1996. Meilleurs vœux à tous, quels que soient vos vœux. Qu'il s'agisse de vœux de paille, de vœux croisés, de vœux brouillés, de vœux verts, de vœux rouges, de vœux oranges, de vœux clignotants, de vœux aux poudres, de vœux au derrière, de vœux à la coque, de vœux de signalisation, de vœux de forêt, de vœux de bengale, de vœux sur le plat, de vœux de tout bois, de vœux durs, de vœux follets, de vœux anti-brouillard, de vœux de camp, de vœux mimosa, vœux à volonté en 1996. De tout cœur, toute l'équipe de 21 espère que tous vos vœux, quels qu'ils soient, se réaliseront cette année. Que tout ce que vous avez souhaité se réalise. Et même les choses que vous n'avez pas souhaitées. Pour peu, bien sûr, que ça soit seulement et uniquement de bonnes choses. De la part de toute l'équipe de Radio 21, on vous souhaite la bienvenue en 1996. Bonne année à tous!

vous êtes toujours là. Parce que nous, nous sommes là et nous serons là jusqu'à 6h30 ce matin en direct sur 21 depuis le Fuse à Bruxelles. J'espère que l'année nouvelle a bien commencé pour vous. Il est peut-être déjà temps de tirer un premier bilan des 20 premières minutes. Il n'est jamais trop tard pour faire le bilan. Un numéro de téléphone utile si vous voulez vous déplacer encore cette nuit et que vous vous sentez pas trop en état de conduire. Et dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Il s'agit du numéro de téléphone des Responsible Young Drivers qui se feront un plaisir de vous amener ou de vous ramener en toute sécurité. Je vous rappelle ce numéro, c'est le 0800 92 888, 0800 92 888, les Responsible Young Drivers qui peuvent vous accompagner en toute sécurité si vous avez un peu trop forcé sur des boissons qui éventuellement diminueraient vos réflexes au volant. Inutile de prendre de risques ce soir, c'est un soir de fête, je vous le rappelle. De fête et seulement de fête. Bienvenue en 1996 sur 21, en direct du Fuse à Bruxelles avec cette nuit près de 7 DJ qui vont se relayer devant les platines du Fuse. C'est sur Radio 21, c'est en direct absolu et c'est toute la nuit avec nous. Vous écoutez Radio 21, toujours en direct du Fuse à Bruxelles. Il est pratiquement 1h du matin, c'est dire si 1996 est déjà bien entamé. Depuis 23h, vous entendez la musique proposée par une des... la seule, je crois, DJ du Fuse, qui s'appelle Trish, donc une fille DJ, c'est assez rare que pour être signalé. Et puis à 1h du matin, on aura l'occasion d'y revenir, c'est Mark Broom, un Anglais qui prendra le relais. À mes côtés, Alexandra Vassen. Ça te plairait de faire ce genre de boulot, DJ au Fuse? C'est vrai que j'ai tenté l'expérience, mais il y a vachement longtemps, et que je trouve ça complètement prodigieux. En plus, sans vouloir être sectaire, mais je pense qu'il a vraiment un magic touch particulier, spécifique aux filles. Elle a un toucher très féminin par rapport à la dance, et je pense que le public l'entend et le ressent aussi. Bon, puisque je suis là, je voudrais rappeler un truc vachement important. C'est que si vous avez bu un verre ce soir et que vous n'avez pas envie de payer un taxi parce que c'est vachement cher, qu'il n'y a pas de transport en commun gratuit près de chez vous, vous ne devez pas manquer d'appeler les Responsible Young Drivers. Il y a un numéro unique pour toute la Belgique qui est le 0800 92 888. Vous les appelez, il y a entre 20 minutes et 1 heure d'attente et ces jeunes gens et jeunes filles vous ramènent chez vous avec votre véhicule pour rien. C'est-à-dire que c'est complètement gratuit. Vous ne risquez pas de faire d'accident et en plus vous ne risquez pas de pouvoir passer d'alcotest et d'avoir de procès, voire de retrait de permis. Je pense qu'en cette nuit de Saint-Sylvestre, c'est vraiment élémentaire. Alors avec Jean-Marc Viercet, on est ici un peu boulonné devant la console de Radio 21, puisqu'on vous relaie en direct absolu le travail des DJ qui officient toutes les nuits devant les platines du Fuse. Je pense, Alexandra, que tu as eu l'occasion de te balader dans le Fuse et que si nous retransmettons ce soir le son de la salle principale, il y a aussi deux autres salles qui proposent autre chose et d'autres musiques. Alors qu'est-ce qu'on peut y voir et y entendre? Il y a le chill out d'une part où on entend d'habitude une musique beaucoup plus calme et cool que celle qu'on vous diffuse ici, mais qui en fait n'est aujourd'hui pas vraiment spécialement cool et calme. Et puis il y a également le Cosmos qui se trouve donc au deuxième étage. Le chill out c'est un premier étage, le Cosmos se trouve au deuxième étage. Et là c'est une toute petite salle, on dirait plutôt presque un café. Il faut monter des escaliers dans une lumière un peu étrange, il fait fort sombre, on passe par une lampe rouge comme si on allait développer des photos. Bref, on arrive dans un endroit où il fait vraiment très sombre, mais en même temps très calme et très frais, ce qui est paradoxalement assez intéressant parce qu'ici par contre il fait vachement chaud. Et là dans le Cosmos, on diffuse la musique forcément dance, mais un peu plus calme qu'ici, beaucoup moins fort, ça c'est sûr. Et ce qu'on diffuse essentiellement sur 16 écrans télévisés, c'est des dessins animés manga. Ah bon? Bon, faudrait que j'aille voir ça. Le prochain disque que vous allez entendre sera le premier disque de Mark Broom, qui est un des DJ de la soirée. Il est anglais. Il travaille notamment pour le label Mowax et pour la série Excursion sous le nom de Midnight Funk Association. Alors à en croire ses productions en tant qu'artiste pour Mowax, en principe le tempo devrait ralentir après une heure, donc dans quelques minutes, puisque c'est lui qui prend le relais, à moins que pour ce soir il ait choisi d'accélérer le rythme et d'emprunter le beat techno qu'on peut entendre depuis 23h sur 21. Donc la réponse dans quelques minutes avec Mark Broom qui va reprendre le contrôle des platines et ce jusqu'à 3h du matin, heure à laquelle Carl Craig entrera en scène. Vous êtes sur 21, vous écoutez la nuit du Fuse pour le réveillon 1995-96. Nous sommes avec vous si vous le voulez jusqu'à 6h du matin. We'll be right back.